Honoré de Balzac et Zulma Caro. Correspondance inédite. Revue des demandes. Par Marcel Bouteron. Une amitié de Balzac. Correspondance inédite. Partie 7. L'année 1837 avait été dure pour Balzac. Déconfiture de la chronique de Paris. Faillite de Verdet. Poursuite judiciaire. Le 1er janvier 1838, le courageux lutteur écrivait à Madame Caro. Salut à 1838, quoi qu'elle nous apporte. Quelque peine qu'il y ait dans les plis de sa robe, qu'importe. Il y a un remède à tout, ce remède, c'est la mort et je ne la crains pas. Mes yeux se ferment malgré moi. Ma main ne trace plus sur ce papier des caractères qui soient lisibles. Amitié sincère et tendre en 1838, comme toujours depuis 1819, voilà 19 ans. Au printemps de 1838, il tente, pour rétablir ses affaires, une entreprise commerciale. Il s'agissait de traiter à nouveau les minerais argentifères de Sardaigne pour en retirer ce que l'exploitation incomplète des Romains avait négligé d'en extraire. Et Balzac s'embarque à Marseille pour passer en Sardaigne. De loin, Madame Caro suit attentivement son ami et lui écrit, le 3 août 1838, « Carissimo, j'ai rêvé à vous, je vous tendais la main, et j'ai eu la sensation bien distincte de votre contact. Je ne vous écrivais pas parce que je ne savais pas où vous prendre, mais j'ai rêvé à vous. Il y a eu bien certainement communication mystérieuse entre nous. Vous m'avez cherché puisque vous êtes arrivé à moi. Que voulez-vous? Que puis-je faire qui vous soit agréable? Et cette tentative, quel en est le résultat? Mon Dieu, ne serez-vous donc jamais heureux? Vous étiez dans une mauvaise hôtellerie. Vous aviez mis de côté cette foule de faux besoins. Bon cela, cher, je vous aime affranchi de ces 1000 servitudes qui diminuent la vraie valeur des gens, en leur en donnant une fictive. C'est que vous aviez une idée envahissante qui abolissait tout autour de vous. Qu'elle se réalise donc, cette idée? Qu'elle vous mette donc dans ce milieu d'or et de luxe que vous croyez si nécessaire à votre bonheur et à l'affranchissement de votre pensée? Moi, je gravite vers un point tout opposé. Le gouvernement de ma maison me pèse et me fatigue, toute médiocre qu'elle soit. Je ne vois jamais une petite maison à deux pièces précédée d'un jardinet et suivie d'un champ de pommes de terre sans envier le sort de ceux qu'elle abrite. Une seule servante me suffirait et je pourrais rêver sans préoccupation. Rêver, c'est la nécessité d'une existence incomplète comme la mienne. C'est une restitution de toute la part de bonheur que le ciel me devait comme à toute créature habitant cette terre. N'êtes-vous donc pas de retour à Paris? Y avez-vous conservé votre logement et cette lettre arrivera-t-elle jusqu'à vous? Cette incertitude me pèse. Si j'étais un peu plus de ce monde, je saurais si vous avez publié quelque chose. Je l'aurais et je me mettrais ainsi en rapport avec vous. Mais écoutez bien, je vais peut-être aller me frotter aux idées du jour. Je mets Yvan en pension, à Versailles, et j'ai presque décidé mon seigneur à y aller passer 3 mois d'hiver. Outre la satisfaction de ma passion pour mon fils, je suis mue par la certitude de produire un effet salutaire sur mon mari. Nous sommes tombés dans un pays d'une aridité rare sous le rapport des idées, et où les choses ne l'intéressent pas assez pour suffire à sa consommation. Au lieu que là-bas, il participera de grand cœur au mouvement général. Il remettra en valeur ses trésors dont il ne peut pas faire usage ici. Que dites-vous du projet? Quand je serai sur place, la porte de Madame Veuve Durand me sera-t-elle ouverte? Me sera-t-il donné de vous voir, une fois au moins, dans votre sanctuaire? Yvan est en Suisse, avec Monsieur Périolas. Il a passé 2 mois à Besançon. Il avait besoin de ce temps de repos avant de se mettre sérieusement au travail. Il ne pouvait mieux l'employer qu'à voyager. Je ne l'aurai qu'un mois à peine auprès de moi, mais il est content, et je fais taire mes regrets. Yorick grandit d'une manière remarquable, mais il ne remplacera jamais son frère. Il n'y a pas entre nous les rapports intuitifs qui ont toujours existé entre Yvan et moi. Souvent, je ne connais pas le mobile des actions de Yorick, et j'ai toujours eu la pensée d'Yvan, telle enfantine qu'elle fut, avant d'arriver à sa conscience. Adieu, cher Honoré, vous ne serez pas noyé dans le golfe du Lion, et s'il vous faut travailler outre mesure pour rétablir vos affaires, je serai assez près de vous, je l'espère, pour aller de temps à autre vous presser les mains et vous donner du courage. Si écrire vous gêne, envoyez-moi une adresse mise par vous simplement. car, quelque prix que je mette à vos lettres, je serai désolé d'être une distraction pour votre travail. Je vous aime assez pour me retrouver au même point avec vous, fussiez-vous des années sans me donner signe de souvenir. J'ai tant de fois blâmé votre immense correspondance, et j'ai si bien observé combien elle détournait de force en vous enlevant à l'idée que vous exploitiez et analysiez, que je ne voudrais en rien grossir la masse de ces exigences ridicules. Traitez-moi donc comme quelqu'un dont on est si parfaitement sûr que l'on peut se dispenser même d'y penser. Adieu. Si j'avais cru que vous fussiez de retour, je vous aurais écrit dès longtemps. À vous, cher, de cœur. Ce n'est pas 13 rue des Batailles à Chaillot, mais au Jardy, par Sèvres, Seine-et-Oise, que la lettre de Madame Carreau atteint Balzac. Là, de Paris, tracassé par les éditeurs, les créanciers, la garde nationale, il a pris le parti de se retirer en banlieue. Il a acheté un terrain où il a fait construire, à sa guise, l'étrange chalet qu'il a décrit dans les mémoires de deux jeunes mariés et qui fournit à Léon Gosselin matière à plus d'une anecdote. « Le bâton de perroquet sur lequel je suis perché, » écrit-il à Madame Carreau en août 1838, « le jardinet et le bâtiment des communs, tout est situé au milieu de la vallée de Ville-d'Avray, mais sur la commune de Sèvres, côte à côte avec l'embarcadère du chemin de fer de Versailles, sur le revers du parc de Saint-Cloud, à mi-côte au midi. La plus belle vue du monde, une pompe que doivent envelopper des clématites et autres plantes grimpantes, une jolie source, le futur monde de nos fleurs, le silence et 45 000 francs de dette de plus, vous comprenez? Oui, la folie est faite et complète. » Hélas, il ne faudra pas compter sur les minerais de Sardaigne pour payer tout cela, car Balzac a eu la langue trop longue. Il a raconté ses projets à un innocent passager pendant la traversée de Sardaigne. Et l'innocent passager, un génois, s'est fait donner la concession par un biglietto reale expédié 3 jours avant l'arrivée du trop bavard Honoré. Au mois de septembre 1838, la femme supérieure paraît en volume de librairie accompagnée de la maison Nucingen et de la Torpille. En tête de la maison Nucingen, une affectueuse dédicace publie l'amitié de Balzac et sa reconnaissance envers la chère Madame Carreau. Madame Carreau, très émue, remercie le romancier le 4 septembre. « Comment vous dirais-je, chère, tout ce que j'ai ressenti à la lecture de votre dédicace? J'en ai été profondément émue. Ce témoignage public de votre affection m'a pénétrée, et sans vouloir discuter si je mérite une si haute louange, je l'accepte avec bonheur. Que ne puis-je en ce moment vous presser la main avec effusion? Les Jardis, c'est donc là où vous êtes allé chercher le calme qui vous est si nécessaire. Lui permettrez-vous de s'établir chez vous à ce calme que vous trouvez trop monotone, je le crains. C'est que vivre seul est une rude chose, surtout quand on a quelques plaies qui saignent et vous n'êtes pas dans la position que vous ambitionnez. Ne vous faudra-t-il pas quelque cœur ami pour recevoir le trop-plein de vos amertumes? Comme vous me le disiez, Auguste revient. Vous l'avez su avant moi, et je n'ai eu sa lettre datée du 14 avril que le 1er septembre. Il revient par Canton et les Grandes Indes. Il ne saurait tarder de quelques mois à être à Paris. C'est là un cœur qui vous est dévoué et dans lequel vous pourrez vous réfugier. Puis il aura quelque chose de neuf à vous dire. Maudit soit le génois, et vous aviez deviné, je me reproche ces bonnes heures de frappelle. Peut-être, si vous n'y fussiez pas venu, auriez-vous entrepris votre voyage 15 jours plus tôt. Faut-il donc sentir une épine au fond des jouissances les plus saintes? Comme c'eût été bon, 1 200 000 francs, comme vous eussiez été heureux de faire face à cette nécessité qui vous poursuit sans cesse et de lui faire la grimace. Enfin, les Jardis et l'espérance d'un succès au théâtre, c'est bien quelque chose. Puis une visite d'amis que je vous promets pour cet hiver, car je m'établirai à Versailles auprès d'Yvan pendant 3 mois au moins. Si, quand j'irai passer 3 ou 4 heures chez vous, vous m'aimez assez pour m'établir dans votre salon avec un livre et remonter dans votre cabinet pour continuer votre travail, je vous promets de faire des Jardis le but constant de mes promenades. Concevez-vous combien je serai contente de vous voir au milieu de vos habitudes, chez vous enfin, où vous devez être bien plus parfaitement vous que partout ailleurs. Oh, si vous reviendrez à Frapelle, et encore, pour vous y reposer, pour vous remettre d'un travail excessif, d'une vie tout intellectuelle, si vous ne veniez que pour moi, je ne sais trop quel remords me poindrait. Et de vous recevoir aussi bourgeoisement, et de vous dévorer des heures qui, employées partout ailleurs, vous rapporteraient plus de jouissance. Yvan m'écrivait de sa voix avant-hier, heureux et fier de se trouver à Chamonix et de descendre le Mont-en-Vert avec son bâton ferré. J'espère le voir prochainement. Voici longtemps qu'il est parti, 3 mois. C'est plus que je ne peux supporter. Il faudra le rendre aux études avant 1 mois. Le bonheur que me donnait cet enfant est troublé à jamais. Je ne le ressentirai que par réflexion et non plus directement. Yvan, c'est une émanation de moi. C'est mon rêve, chéri. J'aime Yorick d'une tendresse protectrice qui me rend plus matériellement heureuse, mais qui n'a rien de poignant. On m'a écrit de Versailles que M. Périolas allait s'y établir et y prendre sa retraite. Je vous le souhaite. C'est un beau type d'homme et un ami consciencieux et éclairé, dont les conseils seront sûrs dans vos affaires. Il règne ici une épidémie qui, je vous le dis bien bas, frise de près le choléra. Elle sévit comme mortalité sur les enfants jusqu'à 15 ans compris. Il y a des villages où il n'est pas resté un seul. Dans les villes, le chiffre de la mortalité est relativement bien inférieur à celui des campagnes. Mais, comme cette maladie s'appelle fièvre, tout simplement, elle ne cause aucun effroi, et pourtant elle a enlevé 10 fois plus de gens que le choléra qui terrifiait tout le monde. Ma maison n'a pas plus été épargnée que les autres. Caro a commencé et, bien qu'il n'ait plus de fièvre depuis 3 semaines, sa convalescence est loin d'être parfaite. Tous mes gens, même à la ferme, y ont passé, excepté Annette et Adrien. J'en ai encore 2 au lit, assez gravement malades. Voilà pourquoi je ne vous avais pas répondu tout de suite, car la surveillance qu'exigeait tous mes malades, sans compter Maître Yorick, auquel je faisais suivre un traitement préventif, absorbait tous mes moments, y compris ceux employés à recevoir les visites obligées. Enfin, la mort récente de la sœur de ma mère, pauvre vieille tante qui a demeuré 15 ans avec mon père, est venue m'abattre entièrement. Elle avait 81 ans. Elle avait quitté Issoudun. Mais cette rupture avec un passé, dont elle était le seul représentant, m'a fait mal, m'a averti que la période ascendante de ma vie était à jamais finie, et que je constituais désormais le passé de la génération qui m'entoure. Et je jetais les yeux sur le tout petit qui aura besoin de moi longtemps encore. Pourtant, je suis bien lasse. Le repos serait le bienvenu, sans cette nécessité de soutenir encore les pas de cette bien trop jeune famille. Adieu, cher Honoré, adieu, que le soleil luise toujours au-dessus des jardins, que la verdure s'y conserve belle et les fleurs dans leur fraîcheur, qu'aucune préoccupation nuisible à vos travaux ne s'y glisse, et surtout que notre présence n'y soit pas une cause de non-travail. Si j'étais plus forte, je me réjouirais d'aller si près de vous, afin de vous aider dans le matériel de votre travail. Mais je n'aurai jamais en moi la confiance nécessaire pour bien faire la moindre chose. Mon mari vous aime bien. Moi, je me sens digne par le cœur de l'amitié que vous me témoignez. Merci de votre souvenir à Yorick. C'est un gros garçon qui n'en sent pas le prix. 1000 et 1000 tendresses. Zulma. J'ai oublié le nom. Est-ce Fanny ou Jenny? Balzac, très touché par la lettre de Madame Caro, lui répond Desjardis. 1000 tendres merci pour votre bonne lettre, car, quelque pressé que soit ce pauvre laboureur, il gardera plutôt son grain à la main pour venir dire à une aussi vive et sérieuse amitié « Je la sens par tous les pores ». Le commandant Caro et l'ami Périolas auront eux aussi leur dédicace plus tard. Balzac travaille toujours à force. C'est des 4 volumes, des 3 ou 4 comédies faites ou en train, puis des exigences d'argent épouvantées, des ennuis à périr. Il soupire après une vie plus paisible, une vie de curé. Une femme de 30 ans, qui aurait 300 000 francs et qui vaudrait 2 mois, pourvu qu'elle fût douce et bien faite, me trouverait prête à l'épouser, elle payerait mes dettes, et mon travail en 5 ans l'aurait remboursé. Le 12 novembre 1838, Madame Caro, écrite à Balzac. Le temps passe, Caro, et je ne suis pas à Versailles, et je n'ai pas encore vu les jardins. C'est que la somme de mes immolations n'est pas remplie encore. C'est que, à mesure que la santé de Yorick s'améliorait, quelqu'un de ma maison retombait. Et, quoique ce ne fût que des gens de service, ma présence n'en était pas moins nécessaire. Plus même, car les innombrables préjugés de cette classe rendent la maladie doublement dangereuse pour elle. Enfin, je suis encore lié ici par la maladie fort grave de ma cuisinière. Et pourtant, j'aurais mille raisons d'être auprès de mon cher exilé. Ce commencement de vie publique, dénué de tendres soins et d'affection, lui est bien dur, et je voudrais l'aider dans cette « initiation », comme il le dit. Le voilà lancé dans le monde, sans appui de cœur. Il me tend les bras, et il ne saisit rien. Il se pourrait donc, si la fatalité ne s'attache pas trop à moi, que je frappasse à la porte des Jardis avant la fin du mois. Comme je serai contente de vous voir chez vous, je vous mènerai Yvan quelques jours, vous lui parlerez de son voyage en Suisse. Ce sera une étude d'enfant à faire. Il vous parlera de M. Périolas et de ses mille bontés en termes qui vous feront plaisir. Vous apprécierez mieux l'homme passant par la bouche de l'enfant. J'ai vu M. Pérémé qui m'a parlé longuement de vous et avec un plaisir qui m'a fait du bien. Comme je serai fière quand j'assisterai à la représentation de l'une de vos comédies. Je me sens déjà émue des applaudissements comme si j'y étais et comme si la pièce émanait de moi. Hâtez-vous donc de faire mettre une œuvre en scène afin que j'aie cette joie cet hiver. Vous ne serez donc jamais dans le vrai quant à cette pauvre vie matérielle qui nous pèse à tous. Vous voulez, dites-vous, une vie de curé et une femme avec 400 000 francs de dot. Ignorez-vous donc que dans le village le plus retiré de France, il n'y a pas de vie de curé avec 20 000 francs de rente? Où le luxe ou les soins de la propriété vous envahissent? Souhaitez, cher, une belle fortune, et tous ces embarras, et tous ces ennuis. Ce sont des conditions d'existence pour vous. Si la vie de curé vous était toute faite, il y a en vous un élément qu'on appelle imagination, qui vous corroderait à la façon des poisons fameux de l'Antiquité. Il faut qu'elle agisse pour ne pas réagir. Que Dieu vous la conserve dans un exercice forcé. Seulement que le bonheur vienne l'illuminer de ses rayons irisés. Il est temps plus que temps. Cherchez-la donc, cette femme qui doit vous fixer enfin, et donner un but à tant de projets qui se perdent continuellement dans l'espace. Il me semble que c'est chose facile à Paris que de trouver la femme qu'il vous faut. Mettez en campagne tous vos amis du beau monde, car il faut que votre femme en ait les manières. Sans cela, elle ne vous serait pas supportable. Je conçois à merveille le besoin de la vie auprès de vous. Je vous l'avais signalé, ce besoin, il y a bien longtemps. Vous en avez ri, étant plus jeune. Et aujourd'hui qu'il vous obsède, il y a moins de chances pour le satisfaire convenablement. J'ai la famille Nucingen que je connaissais. J'ai lu la torpille avec le plus grand plaisir, quoique je ne la comprenne pas dans toutes ses parties. Et s'il faut tout dire, j'ai vu, avec un plaisir dont peut-être je devrais rougir, la différence de ma dédicace avec celle d'El Principe, etc. La bonne affection a une couleur et des expressions que l'esprit seul ne réussit pas à trouver. Vous êtes dans les travaux du jardinage maintenant. Mais à Paris, on peut singer Dieu et dire « Je veux un jardin. » Et le jardin est créé. Beau, délicieux, distingué, rare. En province, rien de cela. Si on ne peut faire soi-même, il faut renoncer à tout. Tout est mal soigné, mal entendu. Heureusement, l'air et l'espace sont pour nous. Cette vie de la chenille sur la feuille éprouve vivement qui a d'autres idées, qui sent fortement encore, qui n'a pas perdu tout velouté au contact, au frottement du monde. Sachez-moi gré de n'avoir pas tout perdu dans cette stagnation forcée, de m'être conservé pur de rapport avec les petitesses de la petite ville. Je suis bien ici avec tout le monde, mais plus respecté qu'aimé, et c'était difficile à atteindre, pour moi surtout, plébéienne de sang et de cœur. Je n'ai plus entendu parler d'Auguste depuis sa lettre de Lima, en date du 14 avril dernier, et qui m'annonçait son retour en Europe par la Chine, les Moluques, l'Inde et le Cap, sur un vaisseau américain. Je l'attends en quelque sorte pour le mois prochain. Dieu l'ait préservé de tout orage, de tout sinistre. Vous ai-je dit que mon petit Yorick a été cruellement malade? Obstruction, hydropisie, rien n'y a manqué. Le voici qui renaît, grâce aux soins de mon excellent médecin et à ma scrupuleuse persévérance. Vous lui verrez un peu de sang sous la peau, souci pour l'enfant absent, souci pour l'enfant présent, souci, toujours souci. C'est donc là vivre? Peut-être même ne vit-on bien qu'à cette condition, car pour vivre, il faut sentir. J'ai près de moi l'un de mes frères, le député, qui n'est pas marié. C'est un homme qui a traversé le monde et le monde parisien sans que le monde ait déteint sur lui. Il a la naïveté et la candeur des premiers âges, réunis à une haute instruction, à beaucoup d'intelligence et d'austérité. J'aurais voulu que vous eussiez pu passer avec lui le temps qu'il nous donne. C'est un type qu'on rencontre rarement. Du tourangin pur, c'est un morceau d'artiste à étudier. Adieu, mon cher Honoré, je n'ai pas le cœur plus allègre que par le passé. Que le ciel vous donne et santé et courage, afin que le petit Éden des Jardis ne vous coûte ni un soupir, ni un regret. Je ne tarderai pas à vous y voir. Caro est absent pour la journée. Depuis 3 mois et demi, je n'ai pu rien faire. Yorick n'a pas quitté mes genoux. Madame Caro a pu s'échapper de Frapesle. La voici arrivée à Versailles, et le samedi 15 décembre, écrivant à Balzac, « Je suis ici, cher, à 2 lieues de vous. J'y suis depuis 12 jours et je ne vous ai pas encore vu. Je voulais vous aller surprendre lorsque lundi dernier, à mon retour de Paris, on me dit qu'on vous attendait à dîner. Vous n'êtes pas venu et vous n'avez fait aucune réponse, et nous avons tous pensé que vous n'étiez pas au jardin. Las pourtant d'attendre, je vous écris aujourd'hui pour vous prier de me dire quand vous serez chez vous. Il faut absolument que je vous voie. Mon plaisir ici ne saurait être complet sans cela. Écrivez-moi vite le jour où je vous trouverai. Dites-moi aussi l'adresse de Laure, qui m'a peut-être oubliée, mais que je serai heureuse d'embrasser. Adieu, cher, comme nous causerons. Zulma. Pendant de longs mois, la correspondance cesse, pour reprendre le 12 octobre 1839 par cette lettre de Madame Caro, datée de Frapesle. « My dear, vous êtes heureux, je le sais, et je n'ai voulu mêler aucune pensée étrangère aux délices de votre vie actuelle. La mienne est fort occupée, et mes occupations sont vulgaires. Je suis concentrée dans ma vie rurale, et je prends garde que rien ne vienne me réveiller de cet engourdissement salutaire. Pourtant, le milieu d'août, en me ramenant mon fils et plusieurs de ses camarades, a rendu momentanément l'animation à Frapesle. Puis les amis sont venus, un à un, lentement, et m'ont rappelé à l'existence intellectuelle. Quelques rares lectures s'en sont suivies. J'ai su que vous aviez publié le grand homme de province, et je me le suis procuré. C'est une œuvre toute d'esprit, mais de bon esprit, simple, sans prétention. Il y avait longtemps que je n'avais lu de vous quelque chose qui me fît autant de plaisir, d'où je conclus que vos tableaux sont vrais, bien que je sois inapte à en juger. Je suis tout heureuse de vous donner cet éloge sans restriction. Non que j'aie la fatuité de le croire de quelque importance, mais parce que rien ne m'apporte une sensation plus agréable que de me sentir à votre unisson, et nos milieux sont si différents que cette harmonie est rare. Vous ne viendrez plus à Frapesle, je le sens bien, mais je n'en ai pas pris mon parti. Vous voir au jardin n'est pas du tout la même chose. Là, d'abord, votre temps a une telle valeur que l'idée d'en user ne saurait naître, et les jardins sont bien plus loin de Versailles que je n'aurais imaginé. Je me résigne à cette séparation comme aux conséquences de votre vie de plus en plus compliquée. Nous suivons des routes si divergentes qu'il n'est pas étonnant que nous ne puissions nous donner la main. Je n'ai pas l'égoïsme féroce de vous souhaiter quelque bonne surexcitation qui vous oblige à un repos complet, ni un de ces chagrins de cœur qui font si vivement sentir le prix de la bonne amitié. Si le cas échéait, pourtant, rappelez-vous Frapesle et ses 2 vieux habitants, et venez-y avec toute confiance. Auguste n'est plus en Chine. Il a dû la quitter au commencement de juin et se rendre à Manille, pour de là aller à Calcutta, puis à Delhi, puis à Bénarès. Je lui écris toujours, mais la certitude qu'il ne reçoit aucune de nos lettres me décourage et jette malgré moi un froid mortel dans cette correspondance. Pensez donc que depuis 3 ans, il n'a reçu que 2 lettres de moi, et une, je crois, de sa famille. Le pauvre garçon ne compte pas être de retour avant 3 ou 4 ans. Dieu le soutienne pendant ce long exil. Le marchand grainetier qui lui a fait son envoi réclame encore une fois les 706 francs pour lesquels j'avais obtenu un sursis. Je ne sais ce que vous devez à Auguste. Si vous pouvez payer cette somme, en tout ou en partie, vous lui rendrez un grand service. Comme il ne veut pas que sa famille entre pour rien là-dedans, nous supporterons cette charge. Dites-moi vite un mot là-dessus, afin que nous prenions des mesures. Si vous pouvez quelque chose, envoyez l'argent à M. Barthes, rue de Montreuil, 64. C'est là que M. Tollard doit être payé. et il serait inutile d'envoyer la somme ici pour qu'elle retournât à Paris. Avez-vous eu bien des fleurs cette année ? La sécheresse a bien nui à mon pauvre jardin, et je n'ai pas eu de jardinier, et je l'ai planté et soigné toute la saison. Il n'y a que depuis l'arrivée d'Ivan que j'ai cessé de m'en occuper. Il est retourné à Versailles, mon pauvre garçon. C'est là une des grandes plaies de ma vie que cet éloignement. Il me faut pourtant le supporter avec courage. Le petit Yorick se développe à merveille. Il ne ressemble en rien à son frère, il a un cachet à lui, et je crois qu'il ne sera pas sans valeur. Adieu, cher, je me reproche presque de vous avoir fait descendre de votre ciel pour vous occuper de mesquins intérêts. Mais vos ailes sont fortes, et la divinité que vous y avez placée est puissante. Vous nous aurez bien vite quittés de nouveau. Que la vie vous soit donc légère dans ce sanctuaire, s'il vous faut subir ces dures nécessités ailleurs. Que l'air y soit toujours plein de lumière et le ciel bleu. Je vous tends tristement la main, je sens des mondes entre nous. Le commandant se rappelle à vous. J'irai vous voir au jardin dans le courant de février. Quoi ? Vous me croyez heureux, mon Dieu ? Le chagrin est venu, chagrin intime, profond, et qu'on ne peut dire. Quant à la chose matérielle, 16 volumes écrits, 20 actes faits cette année n'ont pas suffi. 150 000 francs gagnés ne m'ont pas donné la tranquillité. Mais de nouveaux chefs-d'œuvre ont vu le jour. La deuxième partie du cabinet des antiques, une fille d'Ève, le curé de village, Béatrix, Massimiliadoni, le grand homme de province, les secrets de la princesse de Cadignan. Et en septembre 1839, Balzac a encore trouvé le temps d'aller à Bourg, prêter secours, vainement il est vrai, à un ami de Gavarni, au notaire Pétel, accusé d'assassinat. Comme Voltaire, il a voulu avoir son Calas. Mais il est épuisé et pense au mariage plus sérieusement que jamais. Je ne veux plus avoir de cœur. Si vous rencontrez une jeune fille de 22 ans, écrit-il à Madame Carreau, riche de 200 000 francs ou même 200 000, pourvu que la dot puisse s'appliquer à mes affaires, vous songerez à moi. Mais il ajoute, je veux une femme qui puisse être ce que les événements de ma vie voudront qu'elle soit, femme d'ambassadeur ou femme de ménage au jardin. Mais ne parlez pas de cela, c'est un secret. Ce doit être une fille ambitieuse et spirituelle. Madame Carreau répond le 2 décembre 1839. Quoi ? Vous n'êtes pas heureux ? Vous ne vivez pas dans la réalisation d'un de ces rêves qu'on ne fait que quand on est jeune ? Le bruit populaire est donc bien menteur ? Vous croyant dans cette atmosphère parfumée d'amour que l'on ne respire qu'une ou deux fois dans la vie, je n'osais vous écrire, regardant mon intervention comme une profanation, et loin de là, votre cœur saignait, pauvre Honoré. Quelle consolation puis-je vous donner quand je vous aurai dit que je vous aime bien et que dans les plaies de cœur, le souvenir des bonnes et chastes amitiés sert de baume. Car consolation est un vain mot. On est là de souffrir et par conséquent amoindri alors qu'on en cherche. Et quand on les cherche, elles vous arrivent de toutes parts, des choses aussi bien que des personnes. Mais quand on souffre et que l'on est à la hauteur des maux que l'on endure, les consolations sont corrosives. Je vous dis cela comme quelqu'un qui l'a cruellement expérimenté. Il a fallu payer les 706 francs d'Auguste. Nous avons dû recourir à ses frères banquiers qui n'ont voulu prêter à leur frère absent qu'autant que nous répondrions de la dette. Ils vont être sous peu détenteurs de sa part d'héritage d'une tante de 87 ans qui ne saurait vivre longtemps. Voilà les gens d'affaires. S'il faut perdre cette somme, nous la perdrons plutôt que de laisser le nom de notre ami entaché. Quand vous pourrez délivrer notre caution, vous nous obligerez. Vous me bercez du plaisir en herbe de venir causer sous l'ombrage de nos noyers. Mais je n'y crois guère. Vos travaux et vos relations ne vous laisseront jamais le loisir d'un voyage de simple amitié. Ce sera moi qui visiterai les jardins, avant que vous songiez à me demander de nouveau l'hospitalité. J'espère y aller plus souvent que l'année dernière, car je choisis mieux ma saison. Je ne quitterai Frapelle qu'à la fin de janvier et je verrai le mois de mars à Montreuil. J'irai donc critiquer vos jardins tout à mon aise, en femme qui en a acquis le droit en cultivant les siens de ses propres mains, si ce n'est de ses mains blanches. Je n'ai pas de jardinier et je veille à la poésie de Frapelle comme à celle de mon âme. L'une et l'autre sont pour les plaisirs de mes amis et la moindre négligence serait coupable. Hélas, L'âge ne viendra-t-il pas trop tôt m'ôter la faculté du mieux, et ne me fait-il pas prendre pour tel le simple bien à mon insu ? Enfin, j'ai encore cette volonté du mieux, cet immense désir d'y atteindre, quoique peut-être je l'ai déplacé. Ce m'est un témoignage que toute vie n'est pas éteinte en moi, et que j'ai encore quelque chose à offrir à qui m'aime. Je dois peut-être à ma tardive maternité cette conservation de la verdeur de mon âme. On s'élève généralement en raison des exigences de sa position, et de ce côté, celles de la mienne sont grandes. Mon petit Ivan me satisfait sur tous les points cependant, ou du moins me satisferait si j'avais dans le cœur un grain de vanité maternelle. Mais je le pousse vers un but élevé, et son pas me paraît trop lent. Je dois convenir que tout autre que moi en serait satisfaite, fière même. Yorick ne se développe pas si rapidement. Il a de l'intelligence, mais accompagné d'un instinct d'indépendance et d'une volonté que je respecte autant que faire se peut. Il sera homme d'action. Il faut lui en laisser les moyens. Cette éducation me sera bien plus difficile que celle de son frère, mais je ne recule pas devant le fait. Je ne connais aucune jeune fille dans les conditions que vous demandez. Et en vérité, en connaîtrais-je une, cette parole, « Je ne veux plus avoir de cœur, aussi pensais-je, au mariage, m'arrêterai. » Le mariage est plus que jamais, à mes yeux, une affaire grave. J'ai médité la physiologie du mariage, et j'ai si bien reconnu toutes les misères de cet état, cultivé par les maris eux-mêmes, que je n'assiste jamais à un mariage sans avoir des larmes dans le cœur. Permettez donc que je n'entre pour rien dans une affaire qui fera peut-être le tourment de votre vie. Pourtant, je connais une fille de 17 ans, grande, assez jolie, distinguée, qui est moralement votre lot. Mais de fortune, point. Elle peut être dès à présent la femme d'un ministre, aussi bien que celle d'un pauvre poète. C'est une éducation virile, fort rare. Mais, je le répète, elle n'a rien, c'est bien dommage. Adieu, cher. Les mondes peuvent bien être rien pour de véritables amitiés. Mais quand ils séparent les amis, il est difficile de n'en pas tenir compte. Et les aspirations éternelles vers l'objet aimé usent l'âme et lui amènent un désespoir lent. Le doute, jamais. Dans 2 mois, j'aurai salué Léjardis et son propriétaire. Balzac répond aussitôt, il ne peut actuellement rembourser Borget. Pour le moment, ce que vous me demandez est absolument impossible. Mais dans 2 ou 3 mois, rien ne me sera plus facile. À vous, ma sœur d'âme, je puis confier mes derniers secrets. Or, je suis au fond d'une effroyable misère. Nouvel arrêt dans la correspondance qui reprend le 11 mars 1840 par cette lettre de Madame Carreau, datée de Versailles. « Je ne sais qui m'a dit de votre part, mon ami, que vous passiez votre vie au théâtre et que vous ne pouviez me voir. J'ai attendu la fin de cette crise de votre vie pour vous demander quel jour je pourrais vous rencontrer. Le lundi gras, j'ai fait tout le faubourg Poissonnière sans pouvoir trouver la Maison de l'Or, que je croyais sous le numéro 27, rue du Faubourg. Sans doute, j'ai perdu son adresse. » Oui, certes, je désire vivement assister à votre représentation. Si l'or n'a pas de place, tâchez de me le faire savoir. Je chercherai à m'en procurer, une pour moi et une pour un conducteur quelconque, car je ne sais pas marcher seul le soir. Ne m'en veuillez donc pas si je ne vous ai pas dit que je fusse ici. Je craignais de vous occuper de moi dans un instant aussi solennel. Mais chaque fois que j'ai passé devant Léjardis, je vous ai adressé une de mes aspirations les plus vives. Quand pourrais-je vous y voir ? Adieu, je veux que cette lettre parte tout de suite. Tenez, voici ma main. Zulma, amitiés alors. Madame Carreau tomba bien. Balzac est en pleine tourmente théâtrale. Le 14 mars, Vautrin sera représenté pour la première et unique fois sur le théâtre de la Porte Saint-Martin. Le 1er avril, Madame Carreau écrit de nouveau à son introuvable ami. Cher, j'arrive par le chemin de fer. Je me suis trouvé en diligence avec des gens de Versailles, à moi inconnus, mais dont plusieurs étaient des militaires. La conversation tomba sur vous, sur vos trains, sur le genre horrible, et vous fûtes habillé de toutes pièces. L'un dit que Balzac House était en vente. L'autre ajouta que c'était par expropriation. Et un monsieur qui certes n'est pas militaire dit qu'il vous connaissait beaucoup, qu'il avait voyagé aujourd'hui avec vous par le convoi de 4 heures, qu'il savait que vous n'aviez pas le premier sou de votre maison. Il dit, quand on parla de Vautrin, que vous n'en étiez pas l'auteur. que vous aviez pris un pauvre jeune homme et que vous l'aviez tenu enfermé chez vous tout le temps qu'il mit à faire le drame, que vous lui vendiez votre nom, mais qu'aussitôt que vous aviez cru qu'il y avait quelque mérite à l'avoir fait, vous l'aviez revendiqué et que l'obscur garçon avait été mis de côté. Un peu plus tard, l'orateur de la voiture, un immense officier qui, à l'entendre, a parcouru toutes les contrées de l'Europe, dit qu'il savait une anecdote dont vous feriez bien votre profit, et que s'il vous connaissait, il vous la raconterait pour vous prouver que, quelque extravagante que fût votre imagination, elle n'allait pas jusqu'à cette atroce réalité. Il dit que le bourreau de plaisance avait une fille, admirablement belle. Elle était aimée par un jeune homme de la ville appartenant à la haute bourgeoisie, fils d'un très riche négociant. Le bourreau mourut, l'amoureux demanda la main de la fille qui consentit à la donner, à condition qu'il remplacerait son père et se ferait bourreau à sa place. Le jeune homme n'hésita pas, on commenta cela de mille manières. Mais ce qu'il est bon que vous sachiez, c'est que le monsieur qui se vante d'une certaine intimité avec vous promit solennellement qu'il vous raconterait l'histoire, afin que vous la mettiez en nouvelle. Et comme il s'est permis de forceux propos sur vous, dont je vous ai rapporté les plus saillants, j'ai cru devoir le dénoncer, afin que vous fassiez de tout cela tel usage que vous trouverez convenable, et aussi afin que vous ne soyez pas sa dupe. Adieu, caro mio. Portez-vous bien, et répondez au billet que je vous ai écrit à Paris il y a quelques heures. Je tiens singulièrement à vous présenter mon jeune homme, et à lui ménager auprès de vous un accueil, après mon départ. Arrivederci. Décidément, Balzac est invisible. Madame Caro, sans se lasser, lui écrit le 7 avril 1840. « Je vous ai envoyé mon numéro, mon cher Honoré, et je ne vous ai pas vu. Je tiens beaucoup cependant à vous présenter Yvan et son précepteur. Ne serait-il donc pas possible de vous voir au jardin un jour que vous auriez la bonté de me désigner? Monsieur Obicini ne doit pas rester auprès d'Yvan et de son camarade que jusqu'à la fin de l'année. » Il désire voyager, il cherche une éducation à faire en pays étranger, en Italie surtout, car au cœur bien né, etc. Il vous sera peut-être agréable d'être salué par un sincère admirateur, vous à qui les ennemis ne manquent pas, et par un admirateur éclairé et intelligent. Comme le monde n'a rien fait pour lui, que son frottement n'a poli aucune des aspérités de son étrange et riche nature, cet hommage ne sera pas vulgaire. S'il vous agrée, permettez-lui de vous voir quelquefois à ses rares heures de liberté, c'est-à-dire une fois ou deux d'ici les vacances. Il a perdu toute foi en soi, cela l'empêche de travailler et paralyse ses moyens peu communs. Un suffrage tel que le vôtre aurait pour lui un prix inestimable et ranimerait ce beau feu si près de s'éteindre. Je ne reste que jusqu'à samedi saint, tâchez donc que je puisse vous voir avant mon départ, un jour de congé à cause d'Yvan. Il ne se peut pas que je quitte Paris sans nous avoir dit adieu. Je suis allé chez Laure, demander au portier si vous étiez là, et puis 108 rue de Richelieu. J'ai eu partout une réponse négative. Adieu, je vous tends la main, portez-vous bien. Zulma. Aucune réponse. Avec la constance de l'amitié, Madame Caro reprend la plume le 30 avril. Cher, je pars bientôt. Et avant de quitter Paris, je tiens à vous présenter M. Marletti Ubicini, précepteur d'Yvan. C'est une belle et riche intelligence qui demande à se prosterner devant la vôtre. Selon le monde, il est inculte et a un cachet tout particulier qu'il ne perdra probablement pas, même quand il subira les frottements de la société. Le pauvre garçon n'a jamais de liberté, et c'est par grâce spéciale qu'il m'accompagne à Paris. Si vous pouviez me dire l'heure à laquelle vous serez libre de nous recevoir, vous me feriez un vrai plaisir, et je vous en saurais un gré infini. Il me serait pénible de ne pas le mettre en rapport avec vous. Je lui dois beaucoup, et je serais heureuse de m'acquitter envers lui en satisfaisant un désir porté au plus haut degré et qui me le fait doublement apprécier. Adieu, Honoré. Puissent les susceptibilités gouvernementales se calmer et vous permettre de prendre votre revanche avec un public qui vous aime. À vous de cœur, Zulma. Mes tendresses alors. Madame Caro rentre à Frapelle, laissant Yvan à Paris. Le 1er août 1840, Balzac écrit à son ami. Cher, j'ai vu votre protégé. Je lui ai dit la vérité sur les choses et la vérité n'est pas encourageante. Je ne l'ai plus revu. Il ne m'a pas donné son adresse, en sorte que, dans l'occurrence, il serait difficile que je le trouvasse. Dites-lui de venir me voir une fois par mois. Il peut se rencontrer une occasion de travail. Nous attendons tous Borget. Mais que faites-vous à Frapelle? Vous ne m'en dites trop rien. Hier, j'ai vu votre cher Yvan à cheval sur un âne et revenant d'une excursion. Je l'ai embrassé, ce cher enfant, et cela m'a fait un extrême plaisir de le rencontrer. Hélas, je n'ai pas le temps de vous écrire longuement. Je suis persécuté par d'écrasants travaux. C'est toujours la même chose. Des nuits, et toujours des volumes. Ce que je veux bâtir est si élevé, si vaste. Mille tendresses de votre vieil ami, de Balzac. Un baiser à Yorick, une poignée de main au commandant. 5 années se passent. Balzac travaille, Balzac voyage en Russie, en Allemagne. Madame Anska est devenue veuve. Il met tout en œuvre pour la décider à ce mariage qui, depuis 1833, est l'objet de ses aspirations passionnées. La correspondance avec Madame Caro languit. Dans une lettre de janvier 1845, Balzac se plaint du silence de son ami. Vous ne m'écrivez plus, ne fût-ce que tous les 3 mois. Vous me laissez me cuisant dans les ardeurs d'un travail gigantesque et qui s'accroît d'effort en effort. Vous ne vous figurez pas ce qu'est la comédie humaine, c'est plus vaste, littérairement parlant, que la cathédrale de Bourges, architecturalement. Voilà 16 ans, ma chère et ingrate amie, que j'y suis. Il faut 8 autres années encore pour terminer. Balzac ne terminera pas son œuvre. Les voyages et la maladie s'y opposeront. Aux ouvrages déjà composés en 1845 s'ajouteront encore, entre autres chefs-d'œuvre, l'envers de l'histoire contemporaine et les parents pauvres. Mais une 50aine de romans resteront à faire sur les 143 que devait comprendre la comédie humaine, et Balzac laissera inachevés les petits bourgeois, le député d'Arcis et les paysans. Balzac sent que la période active de sa correspondance avec Madame Caro est close. Madame Anska va lui dévorer tout son temps. Dans 1 mois, je vais en Allemagne pour 6 ou 7 mois. Ainsi, c'est presque un adieu que je vous fais ici. Après l'Allemagne, il y aura la Russie, de longs séjours à Vierzchowna. Au fond de l'Ukraine, Balzac garde le souvenir de la chère amitié de Frapelle. Et en novembre 1849, il sort de son silence pour envoyer à Madame Caro une longue lettre où il passe en revue le passé. Il est, depuis plus d'un an, l'hôte de Madame Anska au château de Vierzchowna, près de Kiev. Voilà 8 mois que je suis entre les mains d'un docteur qui, en pleine Ukraine, se trouvait un grand médecin attaché au palais et aux terres des amis chez lesquels je suis. Il a vu la mort de près. Sa maladie de cœur a fait des progrès effrayants. Comme la vie est autre, vue de 50 ans, et que souvent nous sommes loin de nos espérances. Vous souvenez-vous de Frapelle, quand j'y endormais Madame Desgrais? J'ai entendu, je crois, bien du monde depuis. Mais que de choses, que d'illusions jetées en même temps par-dessus le bord. Et croiriez-vous que, sauf l'affection qui va croissant, je ne sois pas plus avancé là où je suis? Quelle rapidité pour l'éclosion du mal, et quels obstacles pour les choses du bonheur? Non, c'est à dégoûter de la vie. Voilà 3 ans que j'arrange un nid qui a coûté ici une fortune, hélas, et il y manque des oiseaux. Quand viendront-ils? Enfin, en mars 1850, Balzac épouse l'étrangère. Il est au comble de ses vœux et pense, avec attendrissement, à ceux qui l'ont suivi pendant les dures étapes de sa vie. Il écrit de longues lettres triomphantes à ceux qu'il a le plus aimés, à sa mère, à sa sœur, au docteur Nacquart, à Madame Caro. À 7 heures du matin, le 2 mars 1850, le comte abbé Zagruski, une des gloires du clergé polonais, délégué par l'évêque de Jytomyr, a béni en l'église Sainte-Barbe, à Berdichev, le mariage de Madame Ève de Anska, née comtesse Rzewuska, avec Honoré de Balzac. « Cette union, écrit le romancier à Madame Caro, est, je crois, la récompense que Dieu me tenait en réserve pour tant d'adversité, d'années de travail, de difficultés subies et surmontées. » Madame Ève de Balzac sera l'amie de Madame Caro. Ne la connaît-elle pas depuis longtemps? Ne lui est-elle pas, elle aussi, reconnaissante de ses trésors d'amitié pour Balzac? Aussi, d'un même élan, d'un commun accord, vous avons-nous offert une bonne petite chambre en notre maison à Paris. Mais auparavant, Madame Carreau veut offrir à Balzac l'hospitalité en sa maison de Frapesle qu'elle vient de quitter pour se retirer avec le commandant à Nohant-en-Grasset, cher, autre petit domaine des Tourangins. De Nohant partira sa dernière invitation que, par une délicatesse raffinée, elle adressera à la nouvelle Madame de Balzac. Nohant, le 28 mai 1850. Madame, je reçois à l'instant la nouvelle de votre arrivée par ma bien-aimée Sophie, et je m'empresse de vous souhaiter la bienvenue. Je suis heureuse de penser que vous êtes réunie à une famille dont vous aurez bien vite apprécié la valeur, et aussi que j'ai quelque chance de vous voir. Mais ce plaisir a son épine, comme toutes les joies de ce monde, et j'apprends que vous et Honoré êtes souffrants. Permettez-moi de vous dire que l'air de Paris ne convient en ce moment à aucun de vous deux. Il vous faut le calme de la campagne. Je bénis le ciel qui, dans ma pauvreté, me laisse encore la possibilité de vous offrir mon petit cottage. Ce n'est point une maison princière. Elle est en partie démeublée. Pourtant, il y a deux chambres, très habitables, et une pour une femme de chambre. Le salon l'est aussi. Il y a dans la ville un excellent médecin qui, le régime et l'excellentaire du Berry aidant, vous aura bientôt remis sur pied. La cuisine et la salle à manger sont pourvues de tout ce qui est nécessaire à une modeste existence, et si vous n'avez pas de cuisinière à emmener, je vous en trouverai en ville, une ancienne à moi, qui connaît beaucoup Honoré et qu'il doit se rappeler. Elle se nomme Victoire. Vous n'auriez donc que votre mal à apporter. Permettez-moi de recommander ce projet à vos méditations. Je crois fermement que votre retour à la santé est attaché à votre éloignement de Paris dans ce temps d'agitations auquel il est impossible de se soustraire. Je suis, hélas, bien désintéressé dans la réalisation de ce projet, car je ne puis aller vous offrir moi-même l'hospitalité et je vous verrai à peine l'un et l'autre. Je ne sais, madame, si cette offre si familière trouvera grâce devant vous, car je vous suis étrangère. Mais j'aime beaucoup votre mari, il me semble que nos âmes ont dû être en contact quelque part. Je prends occasion de vous remercier de l'offre gracieuse que Sophie m'a répétée de votre part. Rien ne me ferait plus de plaisir que d'en user. Mais ma position ne me permet guère d'espérer que je puisse jamais aller à Paris, maintenant surtout que mon jeune fils est revenu avec nous. Laissez-moi espérer, madame, que vous voudrez bien agréer les sentiments affectueux que je sens naître en moi et que je pourrai me dire tout à vous. Votre servante, Zulma Carreau. J'embrasse mon cher Honoré. Monsieur et madame de Balzac n'iront pas à Nohant. Ils débarquent directement rue Fortuné, une nuit, vers le milieu de mai, pour y trouver la porte verrouillée et le domestique, François Munch, devenu subitement fou, au milieu de l'hôtel illuminé. 3 mois après, presque jour pour jour, Balzac meurt, le 18 août 1850. Madame Carreau conservera pieusement la mémoire de son ami. Dans sa retraite de Nohant, elle lira et relira ses œuvres qu'elle a vues naître, mais toujours active, toujours embrasée de charité, elle se penchera sur ceux qui peinent et qui souffrent, sur les malheureux, sur les petits. Elle se fera maîtresse d'école, composera pour les enfants ces petits livres que les libraires ont vendus par centaines, La petite Jeanne ou Le devoir, couronnée par l'Académie française, les veillées de Maître Patrigeon, le livre des jeunes filles, les goûters de la grand-mère, les métamorphoses d'une goutte d'eau, et bien d'autres que la Bibliothèque Rose a popularisées. Plus tard, vieillie, presque aveugle, veuve du bon commandant, mort en 1864, attristée par la mort de ses fils, elle terminera doucement sa vie à Paris, auprès de sa bru, en contant des histoires de grand-mère à Gaston et à Madeleine, ses petits-enfants. Parisienne tardive, elle restera berrichonne de cœur, et de loin comme de près continuera son œuvre de bienfaisance aux gens de son petit Nohant. Elle mourra, pleine de jour, le 24 avril 1889, et le dimanche suivant, à ses obsèques, à Nohant, 2000 personnes suivront en pleurant son cercueil porté par des mains amies. Le 8 août 1886, une délibération du conseil municipal de Nohant donnera à une place de la petite commune le nom de sa bienfaitrice. Telle fut la dame du Berry, l'amie la plus chère de Balzac. Puisse la publication de ces lettres faire mieux connaître la pure amitié qui tint si large place dans le cœur du romancier et mettre en lumière une des plus nobles figures de femme qui ait jamais passé dans la vie d'un homme de génie. Marcel Bouteron. Fin de la partie 7. Fin de Une amitié de Balzac. Correspondance inédite. Lue par Daniel Lutringer et Christiane Jehan.